Oui, bonjour. Bonjour, mes chers amis. Messieurs, Judith. Bonjour. Oui. Bonjour, bonsoir, mes chers amis. Bonjour, bonsoir, merci. Merci d'être là. Excusez-moi pour la cadre aux alliés. Les alliés cadres habituels. Oui, ça fait longtemps. Je ne sais pas par quoi commencer. Ok. Disons quelque chose. Hein? Oui, comme vous l'avez dit, les amis, que Esali Mikolo Bele, toujours Koutanate, j'avais posté na Facebook Nangaï, raison il y a absence Nabiso. Et bon, Bandeko Bele, Balingara Mingi Kocha. Kocha attention na bango na ba écrit bandeko mingi balingara mingi audio ou bien visuel c'est ça moi partie à culture na biso ba congolais hein? Ba congolais to tchaka mingi attention na ba écrit vous pouvez écrire quelque chose de très important congolais ko tala mingi ba tala ngote ba tanga ngote mais ce qui au lobby audio na visuel Congolais à Talarango rapidement. Wana parti à défaut Nabiso. Nakomaki, je pense que Bandeko Oyo, Bazali na Bandeko Oyo, Baza, ba enseignant à niveau ya université, ou bien Bandeko Oyo, Baleka déjà na université, ba yebi très bien que chaque semestre, chaque fin ya semestre, hein, vers la fin ya semestre, que ce soit bah, étudiant, que ce soit des professeurs, bah, Zalaka toujours trop occupé. Trop occupé, surtout de professeurs, parce que surtout dans le semestre, il y a débit. Donc, dans le 9e mois, dans le fall, dans septembre, débit à semestre, bah, étudiant est belé, bah, il y a un programme, il y a Sika. Ben, étudiant, il y a graduat, ben, il y a Sika, ben, outil école secondaire. Ben, étudiant, il y a maîtrise, ben, il y a Sika, ben, outil undergraduate. Ben, étudiant, il y a doctorat, ben, il y a Sika, ben, outil maîtrise. Et post-doctorat aussi, ben, outil doctorat. Alors, la période où il y a les bosso, ben, étudiant, ben, il y a toujours herbe à admission, ben, il y a un projet, na bango, il y a thèse. Alors, au fur et à mesure que Bakour et Bandi Sika, les étudiants rectifient, Ming ba rectifiaka, ba projet na bango de thèse. Alors, là, ça donne beaucoup de travail na ba enseignant. Oh, ba enseignant, pour ça, les alaka Ming ko revoir ba thèse. Wana. Alors, ba étudiant, moussous, ba projet de recherche na bango, ba zo déposer en haut, pour corriger ba examen et tout ça, ça prend beaucoup de temps. Na koma ki yango ki, na kozala un peu moins libanda ya live pour na kopesa sa moi tant mingi na ba papier ou ba étudiant ba déposer. Alors, même ba ndeko mingi oyo ba monaki ba écrit wana te qui nous demande ah prof qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous belli? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que ndeko moko milouvor akomelinga bien que nazali milouvor mais na lingaka yo mingi te alobi na lingaka yo pe na lingaka yo te. Na lingaka yo parce que tu parles quand même 100 fois, mais na lingaka yo te parce que ou attaka biso ba milouvor. Mais vous allez quand même moutou, to lingi, to yeba so, vous allez malam. Alors, merci. Nazui ba centaines de messages inbox. Nazui ba appel et belé. Yakotuna, qu'est-ce qui se passe? balobaka adage moko elobaka na epana biso ke kosana kokufa omona bato balingaka yo. Donc je pu remarquer que franchement il y a des frères hein, ba frère bazali qui se soucie na biso soki mo absence ezali bazali ko s'inquiéter bayeba qu'est-ce qui se passe. Merci mingi pona yango, merci mingi pona ba prière na bino, merci pona nyonso. Alors même si tu y es en réalité live à l'élo, tu y es pour ton mec à copé sa mise au point, tout ça la mise au point que santé n'a bisou les alli malamo, on n'a pas de problème, de soucis de santé, tu alli juste n'a souci à travail que tant les alli qu'aux amants mon boulot, mais et ben dit aussi là déjà parce que la plupart des papiers, tu bimissi y a moi déjà, tu zongi si y a moi déjà étudiant pour que basse la ba correctif na bango. Alors moi to comme moi dégager moké, alors il faut le belana na makambu ya Congo moké casse la netienne, il faut le belango voilà. Et nalinga ki na souligner juste ce qui se passe présentement oyo balobi notre national asenga ki a recommandé à Sazo Sali sa ba consultation autour du chef so qui a yo qui ba point de vue de tout un chacun. Alors le chef a ko zwa ba décision. Alors et loko ba bengi décision ezali étape monene processus ya ko zwa décision ezali décision bazwa kayango te olali olamuki yo moko déjà oyebi qu'est-ce que tu vas dire et osali semblant ya consultation. Alors ba consultation pe ezali ba type ebele ezali na ba consultation ya ba cas d'urgence ezali na ba consultation natang mususu na je me rappelle encore na Corée. Tellement bah comment qui na niveau moko il y a développement au bazale ko zelate la Corée a organisé à cette époque là je na zo ba sous premier ministre wanate il a organisé par consultation pour na ko tourner na ba coréen to atteindre niveau économique ya likolo hein c'était erona ba comment qui 10e puissance du monde. Alors le premier ministre a organisé des consultations pour Atuna. Alors, si Koyo tout simplement mouké na niveau économique autokomi. Et pour Naye, il a proposé que ba jour férié est à la mois mingi. Hein, ba tout ba pe ma mois mingi, ils ont beaucoup travaillé pour na économie en Bokanabango. Alors, moi, ba jour férié est à la mois mingi. Férié payé est à la mois mingi. Et il a consulté la couche sociale nyonso pour que ba vie na bango et il a décidé ba zwa ki ba congé belé sur bomoni ko rezali parmi ba mboka oyo ba jour férié zali belé. Alors il y a des consultations au moment de crise. Ba consultation au moment des crises, on ne consulte pas tout le monde. Il faut faire très attention. Ma consultation au moment des crises, on ne consulte pas tout le monde. Et d'ailleurs, avant d'en arriver là, décision ezali processus. Alors, la personne qui est censée décider, il faut azala d'abord na bagage ou ezali ko permettre pour azwa ba décision ya malamu. Alors, la personne oyo azali ko senga consultation pour azwa ba décision, d'abord avant de consulter, il y a des pré-consultations. Ba pré-consultation oyo nazali ko lobela ezali niveau de compréhension ya mutu oyo azo senga alingi azwa ba vie ya batu, niveau ya maîtrise na ye, niveau ya expérience na ye, niveau ya instruction na ye. Alors, biloko wana ezali ba pré-consultation oyo ekoki ko permettre que parce que na tango ozali ko décider ko consulter batu, y a des gens oyo bazali quand même na niveau moko supérieur que yo. Ezali na bato oyo bazali na niveau moko inférieur que yo. Ezali na bato oyo bazali na expérience que leka yo. Ezali na bato oyo bazali na moins d'expérience que yo. Ezali na biyungu, ezali na bizengi, ezali na ba chidingi dingi. Alors tout le monde ce que lobby qui est consulté, consultation nationale, yango ezali ko inclure tout le monde. Na kati ndenga na uti ko loba, ba intellectuel bazali, ba moins éduqué bazali, ba biyungu bazali, ba chidingi dingi bazali, ba bizengi bazali, ba mongol bazali. Alors, il faut faire très attention que yo mutozo ko yamba ba avis ya batwana parce que eza consultation nationale, couche sociale nyonso il faut consulter bango. Alors, natango zo consulter bango bazali bana mboka. Bazali na droit au consulter bango parce que ezali ba consultation nationale. Alors, nakati ya batwana biyungu pe bakoyi ko ya na ba proposition pe ya biyungu. Alors, yo soki ozali pe ki yungu oko comprendre te que proposition oyo bazo sala yo ezali ki yungu moto azo sala yango yo il faut za na niveau moko supérieur que biyungu parce que elle déjà bato na zo consulter ce que monique ba avis wana e wuti na biyungu o comprendre que cette proposition cet avis ezo wuta na ki yungu la personne qui est en face de moi azali ki yungu voilà pourquoi to linga kato loba toujours que niveau ya pays il faut quand même un niveau moto ko diriger pays le leadership faut un niveau moko un peu supérieur de comprendre les choses voilà alors maintenant ce que nous voyons comme je l'ai dit que Congo azali na besoin ya consultation nationale de Congo azali na besoin ya consultation de crise quand on dit consultation de crise ezali un nombre ya bato restreint oyo bazali na capacité de proposer des solutions pour que ba aide yo o décider mais avant d'abord ya ko sala sélection ya bato wana le tri ya bato wana il faut d'abord yo moko za na capacité de comprendre que non cette personne o nazo bengisa ce groupe de personnes o nazali ko bengisa bazali na niveau moko oyo ezali ko perte ko iko permettre biso ba vie na bango et avancer mboka je pense que vous me comprenez cheminement wana il faut za na niveau moko o comprendre que mutu na ko bengisa azali na niveau ya ko aider mboka. Alors, mais maintenant, tous allez observer la consultation nationale. Oyo consultation nationale, ndenge na uti kolobango et distingue kate. La consultation nationale, ndenge to monaki à l'époque de Mobutu. Mobutu avait convoqué la consultation nationale au to bengaki conférence nationale souveraine. Na kata conférence nationale souveraine, to monaki batunyoso. Tomona ki bato mayele, tomona ki bato ba mwen mayele, tomona ki ba plu mayele, tomona ki bizengi, tomona ki biyungu, tomona ki maboma, tomona ki ba milvor, tomona ki ba fumbavor, tomona ki ba tout le monde tomona ki bango. Alors, na moment où tozali na Congo, je pense que notre national Azalaki na besoin ya consultation nationale te. Ndenge na lobi yango, azali na besoin ya consultation de crise. Consultation de crise, ezalaka batu ciblé. On cible un groupe ya batu, oyo bako yate po ba vanda, batala ka ba mir, ya ndako, palais présidentiel, ezali malamu, ba kiti malamu, ba mesa malamu, voilà président lati malamu. Non. Ba consultation de crise ezali batu bazali koya avant ba ya d'abord énoncé ya motif ezali. Batu na déjà bazali préparé pourquoi président ezali ko bengisa bino. Il prépare, il faut ko avancer bango déjà, ko yebisa bango déjà en avance pourquoi ozali ko convoquer bango. Alors ba préparé déjà kaneva na bango, qu'est-ce que ba oya ko proposer yo. Alors et où me la kate, ça prend un petit temps, ce qui va jouer tant wana ma proposition wana par la suite au yé ko décider ma camboline ko décider et ndenge na lobby tozali na ba consultation nationale donc c'est raté déjà ba consultation de crise exacte ezali consultation nationale na ba consultation oyo tozali ko yoka ma kambo ebele même si nazala ki na bunker nazali ko na ba papier na ngai mais il y a des gens qui vous écrivent qui vous appellent qui vous signalent qui vous alertent un d'abord Félix a sali équipe moko yako recevoir lokola secrétariat yako recevoir ba oyo ba kozala consulter mais équipe wana comme tozali ko dénoncer en gros tous les jours c'est comme si c'est les Kassai qui consultent les Congo. C'est les Kassai qui consultent les Congo. Batwana nyonso bazali ko telema na porte, ba oyo bazali ko mema bato na salle, ba oyo bazali ko sala ba pré-consultation ko solola d'abord na bango ko préparer bango eloko nini ba ko solola na président, bato oyo bazali ko tinda ba lettre ya invitation, bato oyo bazali ko pesa transport, bato oyo bazali ko pesa biloko ko lia. Tout le monde. Okomona Chimanga Mukendi, Kazadi, Chibwabwa, Ilunga, Ntumba, Ngoyi, Muteba, donc toujours Bango Kaka. Donc c'est les Kassai qui consultent les Congo. Biloko oyo yango tozali ko dénoncer, tokotika ko dénoncer yango jamais. Ti ekosila. Ezali la présidence. L'institution président de la République, ou azali kosa la consultation te, ezali le Kassai qui fait ces consultations. Le Kassai en consultation. Alors, équilibre régional ezati. To yebi yango déjà, to lobelaka yango déjà, et moutounyo sa yebi ki, Félix est le président le plus tribal du monde. Le président, je l'ai dit parce que j'ai une image ya ba moi ba président c'est belé na mokili. Sur les 200 pays reconnus par l'ONU, j'ai voyagé na ba 162 pays, j'ai l'image ya ba mboka moi belé na monde et j'ai constaté que Félix est le président le plus tribal, le plus régional ya monde. Et ça se prouve na kolobe lango soute ba cabinet na ye ba nomination na ye omona toujours kaka ba komboka wana bangoyi Kazadi Muteba Ilunga Ntumba Muteba Mwanetu Chibwabwa Chibindi do toujours kaka bango. Alors venez me prouver que ezali lokuta bola kisangai soki batu oyo bazali ko recevoir kotinda ba invitation ko yamba ko loba pour na makamba consultation ce qui va province mso bazali ce qui bazali azali moko ou bien mibale tout le monde au batikali ba chibwa. Alors ce qui est grave ezali que bato oyo ce qui ba bengise bango pour na ba consultation na kokomba na ba personnalité bato oyo ce qui ba bengi pour na ba consultation les groupes de chibwa bwa mokendi Ntumba Ngoyi Ilunga Kazadi Muteba bazali ko souffler ba consulter makambo ba koyebisa Félix mais bino bozana besoin batu baya na ba point de vue ba pesa Félix mais pourquoi ko dicter bango ko imposer bango makambo ba koyebisa Félix ayambi groupe ba comédien ya quelques comédiens qui m'ont signalé balobi non mais en tout cas moi bakazari bangoyi chibwa bantumba na sala va kuta na Félix bazoyi sabi sotala boye bi sa président boye parce que d'abord ces comédiens sont venus sans cahier de charge sans rien sans papier baye kaka alors les groupes de Kassaïen na porte ba pesi bango ba souffler bango qu'est-ce qu'il faut dire na Félix boye bi sa président a dissoudre parlement Oui, sa président, Azali ko avancer bien, Moussa les autres qui ne malamo, Azali la direction malamo, mais moi, ba koko so, Azali ne, a dissoudre le Parlement. Est-ce que vraiment, Félix Moussa les autres qui ne malamo? Voyez, moi, je dis toujours que le vrai ennemi de Félix, Azali bande konaye bakasaye. Ba vrai ennemi de Félix, Azali bande konaye bakasaye. Voilà, Félix patauge. Félix est dans la boue. Peut-être moi, mon limomoko et côté lié à l'OTI, à ça, ça va consultation, même si tu as besoin, en réalité, tu as besoin de consultation nationale, tu as besoin de consultation de crise, au lieu de dire que Batoubaïa, que Félix, ma vie na bango, ma point de vie na bango, vous, à la porte, na salle d'attente, vous allez souffler bango, ce qu'il faut dire na Félix. Alors, comme vous voyez, il y a déjà ma camboko, il y a Félix. Pourquoi vous avez dit que vous avez un point de vue dans le monde? Il faut bien que vous conseillez, parce que nous savons la vie exacte. Si, par exemple, vous conseillez de Félix, vous allez que vous conseillez à Malam. Félix a compris que vous avez une consultation. Parce que la consultation, la vie, le peuple, vous allez que vous avez dans la cité, vous allez que vous Félix, Félix a avancé Malam dans la décision Malam. Alors, tellement que vous avez un salam bango, vous avez un salam bango Malam, Félix a besoin de conseiller, Batoubaïa pour conseiller, pour avoir décision, parce que ces conseillers qui sont payés par le trésor public ne font pas leur travail de conseiller. Alors maintenant, Félix a besoin de conseillers externes. Voilà comment est-ce qu'Azobeng sa consultation pour décider. Alors, au lieu de dire que Batoubaïa va vivre dans Bango Nengezaleli, Bino Bozali ko dicte Bango Makamoroyeb sa Félix. Et là, comme Soussou, des amis que elle a annoncé qui après sortie naïe raté il y a soi-disant adresse naïe na nation, nous avons fait une vidéo Yakoloba que en réalité Félix a échoué et Félix a besoin à échouer avec tout le monde. Félix a l'air échoué il est mon côté. Aline ko échoué na tout le monde. Alors, Azali ko bengi sa biyungu, oyo bazali loko la yemoko, pour que ba échoué ensemble. Pour que responsabilité ya échec, ezala kaka na yemoko te, responsabilité ya échec, ezala na tout le monde. Nous avons dit ça, on l'avait dit, que Félix Azali ko bengi sa batopo akot sa bango na groupe na ye d'échec. Alors, leader oyo ko kende na ba consultation à Félix, aye bake ake ko échoué na Félix ensemble. Je vous avais dit que en réalité au Congo tous aïe na ba politicien te, tous aïe na ba leader politique te, tous aïe na ba charlatan, tous aïe na batu oyo qui résonne par leur ventre. Tous aïe na batu qui résonne par leur ventre. Ba résonne kana mitu na bango te. Na yebisa ki bino que batu oyo oyo bozali ko benga ba leader na mboka na biso, en réalité ce ne sont pas des leaders, ce sont des gens qui se sont réveillés un matin à Monique Kwanga na ye kuna bakati yango, ils s'improvisent politiciens, ils s'improvisent opposants pour azwa kambongo na ye. Et soko tali la plupart ne travaillent pas, mais dans la crainte de vie na bango ezali ndenge nini, comment est-ce que bazwa kambongo wana biso ba mboka to vandi soyi ba Monique, en tout cas ozali enseignant. Bah, il y a déjà salaire et enseignant d'Engézali. Bah, il faut estimer combien tu peux épargner. Alors, ceux qui ont déjà qu'un devis n'a eu échangé, ou que son mandat y a 10 millions, ou que son voiture y a cher, il y a un service, il y a un bon cas de Bozali, ou expliquer, mbon wana et outi wapi. Bah, envoie à Pamba, bah, bazo tinda. Vous utilisez Western Union chaque mois. Vous recevez de l'argent chaque mois. Au moment la banque d'abord qui vous interroge. Tolinto yeba ba source ya bambongo oyo. Mais au Congo, batu oyo bazali censé ko contrôler finance ne s'intéresse pas ba yeba source ya bambongo ya batu bazanango. Denise, quelques mois l'année passée vous dit bazala ki na mbongo ko sala même propagande ta ya ville mokoti. Basalaki na mbongo wana te. Mais comment expliquer une année après, Denise devient donatrice ya ba ONG. Mais ba service, il faut ba lande la ba ye ba mbongo na zo outa wapi. soki alobi oui salaire ya mobali na ngai bon salaire ya mobali no ezali combien ba estimer famille bozali au nombre de combien train de vie na bino bokoki ko dépenser combien combien vous pouvez épargner est-ce que mbongo ne ko permettre bino pour que yo bande ko na yo ba cousin ba cousine na yo ba koma ba donatrice ba donateur quelque part. C'est comme ça la vie d'un pays marche. Alors na makambo etali ba leader na na bino bandeko tozali na problème biso ba congolais. Congolais azali trop fanatique que azali ko oublier même ba principe de base ya ko landa ya ko supporter mutu ke mutu azali leader politique. Congolais isifi ya sepela na mutu na yo. Ah prof ozali na suki ya pembe mingi na sepela na suki ya pembe na yo. C'est fini. Congolais bosani mabe nyonso yombi ya kosala. Mabe nyonso ekei na suki ya pembe ya yombi oya sepela na yango. C'est ça le défaut ya Congolais. Congolais soit alingi mutu. Ezala kaka ya mutu wana Congolais kondima yango. C'est pareil ndenge na lobango tous les jours pour na ba famille lokola famille Tshisekedi, ba famille lokola famille Gizenga, ba famille lokola Muzito, ba famille lokola ba Bemba, ba famille lokola Katumbi, ba voilà donc Congolais azomona ka ke Katumbi Katumbi, ma benyoso ya Katumbi Congolais a occupé yango. Et d'ailleurs Congolais se présente en défenseur ya Katumbi. Défenseur ya Bemba, défenseur ya Fayulu, défenseur ya Tshisekedi. Et loko ezo détruire Congo na biso en réalité, ezali mingi mingi ba Congolais te ba citoyen lambda te, pardon, ezali ba leader penza te, ezali ba citoyen lambda. Yo nangai biso bato zali ko boma Congo parce que bato oyo so amoni bato 5 10 100 ba komi ko landaye mutu e vimbi leader décision ye moko a yebi nyonso intelligence e pa na ye expérience e pa na ye expertise e pa na ye nyonso e pa na ye erreur e pa na ye zate azali sain e Congolais era azali ko kumisa e ko landaye bango pe mitu ezo vimba bango ke tozali na bonne direction. Or un leader na batu na ye na ba fan na ye leader soki a baby si ba fan ba telemi si saja ko bengana leader ba bengani leader parce que leader a baby si e pa na biso ele kaka bongo te ce qui m'indigne na batu oyo ba vandi na diaspora peut-être bandeko ba vandi na Congo na Kinshasa. Expérience on a libanda bazana ngote. Expérience ba pays développé bazana ngote. Expérience ba pays évolué bazana ngote. Expérience ya démocratie bazana ngote. Expérience ya droit de l'homme bazana ngote. Mais bandeko ba vandi na diaspora en Europe, en Amérique, en Asie, na ba pays démocratique. Ça me dérange que biyungu bazali e belé. Biyungu bazali e belé. Excusez-moi, tozali bandeko futo lo banaka ba vérité. Biyungu bazali e belé na diaspora, bavandi na bamboka oyo bazomona leader azalaka ndenge nini. Peuple bakumisaka leader ndenge nini. Peuple babwakaka leader ndenge nini soki a BBC. Mais vous allez voir bato bavandi na diaspora derrière Katumbi, derrière Bemba, derrière Muzito, derrière Bemba bato na nyoso. Soki na lobela yango moko na moko toke na Bemba. Est-ce que Bemba est parmi le peuple? Parce que soki ozui ce langage populiste qu'on appelle peuple. Qui est le peuple? Le populisme c'est quoi? En réalité le populisme soki otali yango d'une façon académique, ce sont deux revendications ya peuple. Il y a classe moyenne contre soit la bourgeoisie, contre ba élite, contre ce qu'on appelle populisme européen par exemple, contre ba multinational, contre ba organisation internationale. Les gens se rangent pour ba mona ki en tout cas par na bango des choses ba zo mona yango te. Alors ba formuler ba revendication, ba demande. Ces revendications, ces demandes populaires, c'est ce qu'on appelle le populisme. Alors, nakata populisme, mot slogan na bango ezali peuple. On suppose que nakata populisme, peuple, ezali moto oya koyi koloba ko revendiquer na kombo ya peuple, il faut azala parmi ba peuple. Le peuple que je dis, ezali ba peuple ya pays te. Ezali ba peuple selon ba classe sociale. Ba peuple, par exemple, tozali na ba groupe. Peuple d'une façon au niveau national, tozali na ba bourgeois, ba riche, lokola ba bemba, tozali na ba riche, lokola katumbi, tozali na ba élite, lokola ba tshisekedi, ba élite, lokola ba dizenga. Alors, le peuple qui se met debout contre cette élite, ba élite wana sikoyo pon ba indexer ce peuple qui revendique, qui demande. Pour nous indexer, nous avons un mot discriminatoire, entre guillemets, qu'on appelle populiste. Ah non, Bazali ba populiste, Kolanda ba populiste. Mais populisme, c'est quoi? Ce sont des revendications. Alors, quand il y a populisme, on a des revendications. Nous avons ba revendications. La récupération politique, il y a ba populiste. Mutuloko la bemba na niveau ya Congo azali na classe sociale ya ba bourgeois. Bemba est né na bourgeoisie. Bemba est né na escroquerie économique entre Mobutu et son père. Boyebi avion Chabert, boyebi Air Zaïre, boyebi histoire ndenge kenda Air Zaïre so asombi avion, avion ekeyi elimo ye kozonge comme Chabert. Jean-Pierre Bemba est né dans cette bourgeoisie. Alors à partir d'où Jean-Pierre Bemba est devenu peuple? À partir de quel moment Jean-Pierre Bemba est devenu peuple? Pour récupération, le demande, le revendication, il y a peuple à représenter peuple. Parce que dans le populisme, dans les revendications populaires, on suppose que ne peuvent revendiquer le demande, le revendication que le peuple est-même. Ce qui est au niveau de l'ONU, il y a un slogan. Il y a un auteur. Nothing for us without us. Ça veut dire quoi? Rien pour nous sans nous. Batu oyo ba ya ko revendiquer likambo, ezali batu oyo bazali na kata likambo. Peuple azali ko revendiquer souffrance. Bakisi, éducation, makambounion se zali malamote. Mais Jean-Pierre Bemba a outi wapi pour aya ko kota na likambo ya peuple la revendication. Parce que na ba revendication na nyonso ba Congolais, Jean-Pierre Bemba ne se retrouve pas. Na revendication ya nzala, Jean-Pierre Bemba na nzala. Na revendication ya éducation, Jean-Pierre Bemba azali na problème éducation. Na revendication ya bakisi, Jean-Pierre Bemba soki abeli azana problème hôpital. Na revendication ya kotambula, Jean-Pierre Bemba azana problème ya kotambula. So agni ko kende Europe, partout Europe, Amérique a kende. Revendication nyonso, Jean-Pierre Bemba azali na katite. Alors, pourquoi donner cette liste de revendication ya peuple na bourgeois? Ba conséquence nango ezali ni. Bolanda ba conséquence nango. Conséquence nango ezali que na tango bino peuple, vous avez permis que ba revendication na bino. Bourgeois, riche azwa yango. Riche siko azoluka nini? Azoluka satisfaction na ba revendication na bino te, azoluka mbongo na ye emata. Jean-Pierre Bemba na tango amoni ke mbongo na bango. Business na bango ya famille kabila alinga kweisa yango Jean-Pierre Bemba bimisi mosolo na ye ya bourgeoisie ya richesse akeyi ko somba minduki akeyi ko yokana na ba Ugande pour que baya ko bunda pour que richesse na bango ezala maintenir. Mais qu'est-ce que Jean-Pierre Bemba a utilisé? Il a utilisé cette lutte, cette revendication ya peuple. Mais na tango azu minduki Jean-Pierre Bemba bomi nani? Bosi boyoka Jean-Pierre Bemba boma ki même cousin ya kabila moko? Boyoka ke Jean-Pierre Bemba boma même petite amie ya kabila moko? Bosi boyoka Jean-Pierre Bemba boma même noko ya kabila moko? Jean-Pierre Bemba bomi peuple. Oya zali kolobake nazali na sima ya peuple, nazali ko bunda, nazali ko sala rébellion pour na revendication pour na ba besoin ya peuple. Na tango azumi nduki, la première personne que Jean-Pierre Bemba a tué, c'est le même peuple. Mais Jean-Pierre Bemba a bondi équipe mususu ya ba nouveau bourgeois mususu na Kinshasa ya Kabila ba ye ko remarquer que bon Minduki na ye zo pesa makelele mingi boya yaka Jean-Pierre Bemba vice-premier ministre non vice-président de la République. Qu'est-ce que Jean-Pierre Bemba a fait pour ce peuple? Azu mbongo na ye, azu salaire na ye. Na tango a moni ke ba bebani bango na bango, Jean-Pierre Bemba alingi a continuer na Minduki a kokite. J'ai accepté l'inacceptable. Ye wana ke ye Europe. Europe kuna akei na prison. Kobanda, cette récupération ya peuple ya Jean-Pierre Bemba na batuna ye. Ti na tango bake ko kanga ye. Bo pesanga indice moko ya peuple ke il a lité a zumi nduki pona peuple, voilà moke, même nyon sa zwa kite, voilà moke kaka. O ya zui na kombo ya peuple ya ngoyo. Bo tange langa moko, mi balete moko. Et lelo tozali komona batu oyo bavandi na diaspora qui sont censés comprendre la vie démocratique ndengezali sens ya peuple ndengezali, ce sont des gens qui applaudissent pour Jean-Pierre Bemba chairman leader na biso ya lobby muta ko bongisa Congo. Jean-Pierre Bemba était là a bongisa nini même na niveau individuel. Batu o Jean-Pierre Bemba boma. Ba orphelin Jean-Pierre Bemba a komisi. Jean-Pierre Bemba est rentré à Tamukolo moko, a pesa ta kaye moko, na Équateur, na Kisangani, a sali yango, na Kinshasa, a sali yango. Tokele na Katumbi. Katumbi est notre bourgeois. Na Katanga kuna, a sali makamba bal na ye, a komi riche, famille ya ba riche na soki ba frère na ye biologique ou bien adoptif na yebite. Jean-Pierre Katumbi Monique non mbongo na ngai fwe maka aye pour récupérer la lutte politique peuple a mes commissi peuple. Est-ce que Jean-Pierre Bemba zali na catégorie ya peuple ndenge na posé avec Bemba? Est-ce que Jean-Pierre Bemba zali na catégorie ya bato ya nzala? Est-ce qu'il y a une catégorie à battre, problème ya kotanga, problème ya hôpital, problème ya kotambula? Est-ce que bazali na kati nango? Katumbi azali na kati ya bato bazali na ba problème ya survie, ya kolia lobité. Jean Katumbi na ndako na ye, lokola vanda mwasi na ye na bana ye, il ne pense pas lobito kolia nini, mais yo na ngai bato bo vani na kati ya Congo, vous pensez lobi bana ba kolia nini? Ce que vous avez dit, ça signifie quoi? Ça signifie que mbongo ezate bakoliani. Mais ce qui mbongo ezali, vous n'allez pas penser le bana bakoliani. Peut-être pour femme, qu'on se pisse. Bana le loto le boy, le bolingi boliani. Oyende batunaka, bolingi boliani. Ezali différentes questions par rapport lobi bana bakoliani. Bana bakoliani ni lobi, ça signifie mbongo ezate bana bakoliani. Bana bali bolingi kolia nini mbongo ezali mais choisissez bolingi nini. Katumbi n'est pas dans cette catégorie de peuple. À quel niveau Katumbi a récupéré cette lutte du peuple? Pour baloba ke no biso tozali peuple, biso tozali bato nzala, biso tozali bato ya tozana problème ya kotanga, problème médical, alors leader na biso yeyo. Leader, il y a peuple, azali issu parmi le peuple. Et nazwa koloba parce que tout na pays moko ya confusion. Même batu o ba bengi intellectuel, il y a beaucoup de confusion ya Congolais. Le peuple que je dis, ce ne sont pas le peuple o yo na sens ya ba habitant ya katia pays, ezali peuple na cadre ya ba rang social. Ba rang wana nyonso, ba couche sociale wana nyonso. bazali catégorisé na peuple, tozali na ba bourgeois, tozali na ba riche, tozali na ba élite et tozali na ba peuple ordinaire, ba bola, voilà. Et nazali kolobela ke lutte ya ba bola, il faut ezala dirigé par ba bola. Lutte ya ba bola ezala ka dirigé par ba bourgeoisie, ba richesse, parce que ba riche ce que vous pessier leadership ya peuple, riche akoya te pona ba revendication ya peuple, riche akoya pona ba revendication ya richesse na ye. Voyez-vous Trump aux États-Unis? Trump a récupéré cette lutte ya peuple. America first. En réalité, les Américains, ils ont dit que Trump a été parmi cette élite, il y a des bourgeois. Maintenant, vous pouvez essayer leadership. Akoyate pona bino, akoyate pona barish. Kokoma Trump a commencé à pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? A diminué taxes, il y a barish. Et pourtant, ce que vous monitez très bien, distribution, il y a richesse dans un pays, il y a l'économie, il y a bien. Ba riche il faut que longola bango moi mingi pour nako pesa ba pauvre ba pauvre ko futa moi ba taxe moke ba riche il faut que pesa ba taxe mingi par rapport à richesse na bino redistribution ya richesse mais quand Trump est venu il a maintenu ba taxe pour na peuple pour na ba bola a diminué taxe pour na ba riche alors Katumbi n'est pas un pauvre. Katumbi azali parmi ma bourgeois. Congolais même avant na diaspora. Na yebite mboka na biso, diaspora na biso elinga biyungu na ndenga osakanate. Et ça c'est vrai. Na lobela yango, vous le savez très bien que mboka na biso batu bakendaka mingi poto entre guillemets autobenga na biso poto. Mingi mingi ezali batu oyo bazali na maturité ya classe T. Bazali na niveau mingi ya classe T. Je ne dis pas tout le monde. Parce que Ngape Nazali na diaspora, Nazali parmi Batubazo, c'est l'exception. Mboka na biso batu mingi bakenda apoto, ezali batu oyo penza mingi mingi, classe penza et poussana penza mingi te, alors ba se lance na koshaye, ba se lance na business ya maboko. Business ya maboko wana soka zui mwa mbongo na ye, ake ko pesa papa wemba, ake ko pesa wera, ake ko pesa jibe, ake ko pesa kofi, pour que ba memaye na poto loko la ngulu. Me batu oyo bakendaka mingi ba pousa na habitude na bango, mingi mingi ba zelaka. Nazo zela, na tangi, je suis licencié, je suis docteur, j'ai un master. Nazo zela chance mokolo mususu na kozwa musala. Ba zelaka musala, na kishasa, bango bazali objet ya mokeri. Ah, bali ba français ya pamba pamba ma plomb ya pamba pamba na ndako ka ko vandaka na ndako. Bango bazo se lancer na ko débriété pour que bazo mwa mbongo et permettre bango ba kene na poto. Ils attendent misala. Mikolonyo so basala ka ba demande d'emploi. Mbongo na maboko ezate ba demande d'emploi ba français bazelaka. Mais batu oyo ba kati classe ba ko débriller ko luka mwa mbongo ko chayé azui mwa mbongo na ye akongisi mwa 5000 na ye alors ake ko luka batu ya papa wemba batu ya kofi ba mema ye na poto et elle ake na poto aye na biloko na ye oyo utaki na ki chayer na ye aye na ngo na poto aye avec cette culture là pour na ye ko kende ko zonga classe ezali mo boulou na kozonga classe T ya nini parce que na Congo na mesa na classe na ye poto pona ko débriller na poto pe na ko vanda awa musala makambo ko simba ta papier ezate formation moke na simanda ko ezate kaka kolia ba fete ko lata ko mela biloba loba pamba pamba ko sokipe na banda ko mususu kuna balobi nini kuna basali nini kuna balsombi nini kuna balambi nini kuna balati nini voilà les Congolais en général na diaspora. Et ce sont ces Congolais-là dans la diaspora qui ne comprennent pas que Namboka Bavan dans la diaspora n'a une vie politique ezali. Conditionne n'y a qu'olanda un leader. Conditionne n'y a qu'applaudir pour un leader. Comment est-ce qu'on rejette un leader? Ayebi ya ngote ye musala na ye alamuki, ameli bière na ye, ameli whisky na ye, ameli champagne na ye, alati Versace na ye, ye wana bimili banda, akangiba foto batubamona ye avana azana lola, Et na tango yo ke kuna Katumbi a sali plein a beti maboko leader na Katumbi mais ce que tu nie Katumbi a sali leader na yo pour na projet ya société nini akosuka wana ko yo katika makelele ngai ne Katumbi ou jamais voilà parce que batu bavandi na mboka na biso na Congo deux fois ba kopiaka image ya bandeko bavangi na diaspora ah ba diaspora ba lobby ba diaspora ba lobby mais cette ba diaspora parmi cette diaspora il y a une diaspora pourrie il y a une diaspora pourrie et bandeko na biso bavangi ki chasse bazo copier ah bino bozolo belanga ah na landa katumbi te pola na landa bemba te pola olandi ba diaspora te ba diaspora kutu ba lobby ah chairman Muta kubongisa mboka na biso zali Jean-Pierre Bemba. Mais banda ba yebi Jean-Pierre Bemba ata signe mokote ya kubongisa mboka alakisa. Jean-Pierre Bemba uti na classe ya peuple te. Jean-Pierre Bemba uti na classe ya babola te. Katumbi uti na classe ya babola te. Et soto ke ina oba bengi elite. Ba Tshisekedi. Je ne parle pas de Tshisekedi Félix, je parle de Tshisekedi Wamolumba. Tshisekedi Wamolumba par Oyo Nekonabiso na Belgique abenga ya parking all four. Tshisekedi Wamolumba aye komi kota na kati ya élite. Et pourtant quand vous regardez très bien, Tshisekedi Wamolumba azalaki élite. Tshisekedi Wamolumba azalaki un normalien. Mutu asali école normale. À cette époque-là, oui, batu basala ki école normale, bazali bazala ki be élite. Vous voyez batu lokola ba Lumumba, batu lokola ba Kasavubu, batu lokola ba Tshisekedi, batu na moma wana bazala ki be élite, so sa l'école normale. École normale na batu oba yebite ezali école e bandeko sala ka 4 ans cycle court, 4 ans ici li ba pecho diplôme. Mais monde si ko évolué. Monde le lo élite za e mout école normale te. Mout école normale azali semi-lettré. Moutou a sali école normale na monde ya le lo azali semi-lettré. Donc, dongi, kote moussousou atanga mouke, kote moussousou atanga te. Yewana mout école normale na moma ya le lo. Donc, s'il faut placer aujourd'hui, Tshisekedi Wamolumba. Tshisekedi Wamolumba azali semi-lettré. Mais, na kingolo fort, ba koti siye na groupe ya élite. Bon, moun si ko be élite wana ba gizenga. Ce sont des gens ou ba sala ki be école wana école normale. À cette époque là, ba wane ko benga bango be élite. Mais na moma ou yo ba gizenga, bazali be élite te. Bazali ba semi-lettré. Parce que le monde évolue. Alors, ce groupe là, de ces élites là, ya école normale wana. Ba kidnappé mboka na biso. Vous allez voir que lelo oyo. Famille Tshisekedi ba koyoko tene na Zamba ya Équateur bazui makaku. Ba yena makaku wana balati si bilamba. Lobby Tshisekedi Félix soit longwe na pouvoir. Famille Tshisekedi a imposé makaku wana pour être président. Vous allez voir des biyungu. Ezala oba vandi na diaspora. Ezala oba vandi na Congo bakolanda makaku wana parce que makaku auti na ndako ya Tshisekedi. Azali mayele loko na Tshisekedi. Voilà niveau ya mboka na biso pour que ezali kobeba. Ba consultation oyo Félix azali kobengisa. Franchement d'abord il faut okende na genèse ya makambo Katumbi ne pouvait pas accepter la consultation ya Félix Bemba ne pouvait pas accepter la consultation à Félix Bemba soya zali vraiment na mayele Katumbi soya zali na mayele ba yebi pourquoi Félix a zobengi sa bango avant qu'on répondre il faut qu'on yeba d'abord genèse ya makambo Katumbi a rejeté Félix qui a Félix Azar présidenté, Bemba a rejeté Félix Azar présidenté, élection en Ezala qui élection te. Mais comment est-ce que vous acceptez la consultation d'une personne que vous avez rejeté que Azali na koyiko Azala ne sika wana te, il n'est pas président. Mais vous acceptez la consultation. Vous vous contredisez vous-même. Vous vous contredisez vous-même. Et banane bazali ko pesa bango mutu makasi ezali biso ba peuple ngai na yo tozo pesa bango mutu makasi. Ah bozo mona peuple ndenge bazolo belangai peuple ndenge balingi ngai chairman na uti consultation chairman na uti boy ah katumbi na uti boy aye consultation boy yambaye plein anzela plein anzela et so tali plein anzela le peuple oh bazoy bateke ezali mouvement na bino Katumbi a récupéré. Ezali mouvement na bino ke Bemba a récupéré. Ezali mouvement na bino ke ba élite oyo d'hier bazo récupéré na kombo na bino. Quand ils sont au pouvoir, ils ne seront pas là pour vos revendications, ils seront là pour na ba richesse na bango. Lelo oyo, ce populisme, cette récupération ya peuple de la famille Tshisekedi. Or, la famille Tshisekedi, ils allaient parmi la famille, il y a une élite, entre guillemets, à Congo. Ils allaient, la famille, oh, ils allaient, il y a un problème, il y a un liaté, problème, il y a un tangaté, problème, il y a un tamboulaté, problème, il y a un latate, problème, il y a un hôpital. Mais la famille Tshisekedi a récupéré les mouvements peuple. Bah, il y a un mot, il y a un bango. Bah, il y a un combat, il y a un peuple. Ah, il y a un peuple, il y a un peuple. Et pourtant, ils allaient parmi binoté. Natang aussi, qu'on va combiner le pouvoir. Vous voyez les conséquences, il y a un peu mouvement, il y a un peuple, il y a une revendication, il y a un peu élite, il y a bourgeois. Bah, conséquence, il y a un peu Natang, on va combiner le pouvoir. Richesse, il y a un entre famille. C'est ce que Félix Azali Kosala. Richesse, il y a Congo. A ko distribuer mon peuple était lelo Félix a bossani peuple bango moko bozobona na 10e rue limité ndenge bazali ko réclamer to bondi a ona passé a mbula bakake ba moyi ba to bazokufa pour na pouvoir oyo to pesa ki bino leadership bo l'idée bo mema yango mais lelo obo komi na pouvoir bo bossani biso bo ko récupérer bande ko na bino na ba couser o ba vanda bande ko sala musala na butu na États-Unis Azo nimba butu butu pona kosala musala. Lelo ndekwa komi président yewana na Congo. Directeur financier. Asala ta finance mokote. Directeur financier na présidence. Na tango ba bourgeois, ba élite, ba zwa ka pouvoir. Ba pesa ka richesse wana na peuple te. Ezala ka ba revendication personnelle ya bango moko ba zwa satisfait. Moi, ça me fait très mal. Mingi, comme na outi ko lobango bandeko bazali na diaspora. Bandeko bazali na diaspora, er moko. Kokende classe ezali agité. Oh, na okokate bambulo nyonso na sai okokoka. Pardon. Même na titre moko kaka, ya culture générale. Kende ko lukata mwa bakuru moko ya mike mike di soir na ndako. Lelo peto komi makamba COVID, bomoni ba universite nyonso ekomi bakuru nyonso ekomi na ligne. Universite bakuru ekomi na ligne internet. Komi sa, mbongo Minerval cher, ba universite na poto te, ba bourse ezali. Na ebisa ki bino ke, la connaissance nangai l'étude nanga la sali ce que je fais j'ai remarqué que nazai na ba vide moi mingi juridique na uta yo komisa na université moko na Amérique pour na droit et quand même que so ba yoki ba zo benga nga maître yombi boka mwate maître wapi biso to yebeli cuisiner na zo tanga sikoyo Na zotanga sa comme professeur d'université, na université mususu na zotanga ba cour ya droit. Soki bolobi na poto ba bourse ezate me koma. Nga na senga ki bourse na université na te, mais elle ba moni déjà parce que na ba université ezali na niveau ya ba admission. Ba pesa ka ba point na admission, c'est-à-dire ba cote ba point na yo o zona ba cour et les cas. Misala o sala, ils ont remarqué que Tozali na mwa ba point ya mwa mingi ya mwa likolo la semaine passée na mokanda université l'université vous accorde la bourse d'admission oh Navanda Karaboué lettre, Moussous, après 3 jours, non, l'association de professeurs de cette université vous accorde une bourse partielle. Na Sengite. Donc, cette université-là, 3 ans, na Kosalakuna, na Kofutata, 1 centime. Bourse d'admission et pesi katikati yaba Minerval. Association va professeur et pesi katikati, katikati katikati 100%, na kofuta et l'autre côté. Je n'ai rien demandé. Rokende ko komisa classe na université, bako pesa yo bourse ba monike ozali mayele, bako pesa yo bourse. Alors, mes chers amis, bande ko na biso. Éducation est fondamentale pour le développement de Yamboka. Développement au besoin de pays, Moussous Bazo s'est développé. Et l'eau qui est d'abord éducation et ressources humaines. Et ça va valoriser les ressources humaines. Les ressources humaines sont les bateaux, Yamboka. Wana. Vous allez et belé, wana si vous valoriser Binomoko. Bon, c'est valoriser binomoko capacité na niveau ya classe et daka développement ya mboka koswana bilamba masanga ba fête ba anniversaire et développer ka mboka te et développer ka mboka te. Na moment où on dégage aux aïna Congo, vous réclamez ah développement mboka ezo se développer té bateau bazami té na mabé mboka ko développer ndenge nini parce que yo moko d'abord et si ko vandi et si ka wana et si ko zali yo moko oyibi ko sala distinction té leader nini na ko iko landa leader o nazo landa pour na plan social nini leader o nazo landa pour na nini oyibi yango té et si ko vandi wana ozo landa leader na yo ozo landa pour azaki toko katumbi aza métis nazo ozo landa ye Katumbi abeta kabal ozolanda ye bemba parce que azali métis ozolanda ye mais oyebite ke batuana oyo ozolanda ozo komisa batuana ba yeko tia misère pour que économie na biso e matate ah Katumbi apesa ka batu loso ah Katumbi yo pesa batu ni Katumbi apesa c'est comme muyibi ayibi yo $10,000 ayeko pesa yo $100 o sepeli na ye. C'est ça les Congolais. Katumbi a yibi yo 100,000 a pesi yo $100 au sepeli na ye. A yibi yo 100,000 a yiko peso sa ki a loso au sepeli na ye. C'est ça. Yo moko nanu mutuna yo. Yo moko nanu. Ti ne te développe pas. Yo moko zon développe te. Koma ozo ni gamboke développe. Avant mboke développe, d'abord yo moko mutu d'abord. Humain, ba ressources humaines ya mboka. Il faut d'abord bo bane ko développe bino moko. Bo développé binomoko et bo aider mboka évoluer mais yo moko na o développé te mboka o développé comment yo moko za incapable ya koyeba ke cette famille tu sais que di bazo roule yo yo moko za incapable ke bato lokola ba bemba ba muzito ba katumbi ba kengo ce sont des gens oyo bazo ruiner biso depuis des années ti lelo ozo comprendre te mais yo kana monoko ah ba politicien baza mité à mabé mboka na biso développer mon colonie mais non il développer ndenge nini parce que yo moko zo se développer te yo moko zo se développer te mboka se développer comment. Non, Congolais, biso moko to milingite. Congolais ye moko a milingite, to milingite. Consultation de Félix. Na lelo, pouvez-vous croire que Félix pouvait envoyer ba conseiller na ye ba ke ne ko pesa rapport ba consultation na Kagame. Bandeko. Pourquoi qu'on dit que Félix a koyi ko pesa ko tinda ba conseiller na ye ba ke ne ko pesa rapport ya consultation na Kagame na Rwanda. Qui est Kagame? Kagame azali nani? Et bazali pe ko sans honte, sans rire, bazali ko s'afficher na télévision rwandaise Pona Koloba, nous sommes venus rendre compte au président Kagame de la situation de notre pays, des consultations de notre pays. Vraiment, naïveté. Je demande toujours, juste dans le cadre de mon imagination et à mon toit, vous ne pouvez pas m'arrêter d'imaginer. Kenzamba komisangai, vice-dieu, après ça, il y a un intérim, il y a un monde, il y a un pendant une minute. Tenon, yombi koma vice-nzambe, après ça, il y a un intérim, il y a un pendant une minute. Pouvez-vous croire les lots que Mbokana Bisso avant un marché, ça doit passer par le Rwanda? Mokoloni ni Rwanda, à quoi il consulter Congo pour la consultation à Rwanda, problème dans le Rwanda, il y a consulter Congo pour avoir solution à problème dans Bango. Tantôt, Zali na Braza, à qui au bon de la Sassou, dans l'ingé de consultation, il faut Fayoulou à Zalanakati, mais Fayoulou, Ndiang, obobenga ki Ndiang. Ndiang lelo a komi Congolais. Boke ko senga na Sassou, abonde la Sénégalais Ndiang. Po aya na ba consultation. Yango ko lia biloko msusu seza mabe. Ko lia biloko msusu seza lakar. Ko lia bambo a sene pa bien. Parce que eza na biloko msusu na bondo yo. Eza biloko msusu ba liaka. Biloko msusu ba liaka ti. Ce qui va tout interdire Diamba, c'est en circonstance de cause, va interdire Diamba. Parce que ce qui m'ont amené Diamba, m'ont naïe à la Kamala monté. A quoi il la badega, y'a un peu de Diamba. La police routière va payer ça comme mais l'avant au conduire voiture, bah yebi. Ce que m'a dit ma sanga m'inge dérangé m'ont tout naïo, y'a tant aux conduire aux hommes na banzela misatu, nzela zamu moko mais y'a aux hommes na misatu. Le coup de mon ami Satou, Oyo Koswamba, nous sommes battus en Zogande, au Rémi d'Insanamaï. Voilà pourquoi je contrôle le niveau de l'alcool avant de conduire. Alors, les années de moko avant de conduire pays, avant de diriger pays, il faut qu'il y ait un niveau, il y a dose, il y a soupe, il y a milou. Il faut qu'il y ait un moutou au Bosopé sa pouvoir. Kabila yeba kite ke mutu azo pesa pouvoir a kontrola kite niveau ya soupe ya milu na mutu na ye. Po yeba ke degré oyo soupe oyo ekomeli mutu oyo akotsa mboka na libulu. Consultation na Congo pona ba Congolais, pona marche ya Congo. Il faut donner rapport na Kagame na Rwanda. Et na secrète atindi ba conseiller ba conseiller ba bimi na télévision rwandaise to ye pour que sa rapport na président Kagame. Oui, ça humiliation moko boko ndimati. Est-ce que moi je me suppose élite? Nazali, professeur d'université. Qu'est-ce que je peux dire devant un Rwandais? Rwanda, vous avez un professeur, il y a un Mbokanabino d'abord, avant de marcher, vous avez un tournabiso. Mbokanabino, avant de marcher, vous avez un tournabiso. Vous avez un Congolais, vous avez un professeur, vous avez un nani. Vous avez un poids devant un Rwandais. Et banane ba commission na niveau ya boy. Et ça li batou loko na ba Félix. Et ça li batou oyo ba ridiculiser biso na niveau moko boko croire ya moti. Alors le pays ya batou batikali parce que tokoy ko tikala mokili mobimba oyo ata la leader moko be leader azate. Ça ne dérange pas. Vaut mieux kozala bino moko serein na mboka na bino ba difficulté bo gérer ngo bino moko ke bozala na biyungu epeli na kati ya mboka o bazali na importance moko te. Ake kotuna Sassou pour la consultation atindi batu na ye ba bakaza lingo yilunga ntumba muteba chibwabwa na, na Rwanda bake ndiko pesa rapport na Kagame e na lobaki jour ali boso o asala ki discours na ye au sein la consultation na ça ki bino que ça va aboutir na dialogue e bato nyoso abengisi ba katumbi ba bemba bango nyoso na ba comédien wana nyoso abengisi ba musicien na nyoso abengisi bande kona ye na porte bazo sa bango biloko mibale boye sa président azo sala musala malamu po sepeli nango ake na direction wana mais à des sauts de parlement parce que parlement ezo empêché ye pour travailler et bosenga dialogue to solo la dialogue wana lingi lo banin après consultation dialogue après dialogue gouvernement d'union nationale na il gouvernement d'union nationale bokomona banani bokomona chiseke da zali wana président bokomona bakabilis bokozala wana ba ba ba ba, ba lambert mende bakozala wana bokomona bana lokola bana ya ba ba, ba bemba bakozala wana bande kwa bemba bakozala wana bande kwa katumbi bakozala wana donc mutu na mutu ako pistonner batu na ye et tozo kende na cercle tozali ko tourner na cercle mboke tambula ka bongote mboke tambula ka d'une façon linéaire et tambula ka d'une façon cyclique oleki osale malamu merci mwana mboka contribution na yo mwana oleki toke na mususu toke mais exacte que tozui oyo asali mabe toke oyo to asali mabe toye oyo toye kozongela oto tikaki abandeli tozongeli oto tobwaki abandeli d'une façon circulaire ezalakate Kabila zali ko chaye ba pot de banane moya travailler malamu ezate et vous voyez matam na yebisa kabino que personne ne respecte Félix na yebisa kabino que personne ne respecte Félix bato bandimela ngaité bozomona ce qui se passe ba conseiller na ye moko bomona wapi biso ko tozali na misala moko libéral na azi ndenge za wana na classe penza au côté boy ba classe mususu bana ba telemi classe mususu ba telemi te ba pesi mbote oyoka bangoni oso anyonga seyo ezali signe ya respect ba conseiller président bomona wapi mokili wapi président koti bato ba telemi makate ba collègue na ye ba président ba collègue na ye ba président ba hotel maté mais ce qui bazali na se à part ma collègue na ba président il faut tellement na signe ya respect il faut tellement ba conseiller ba koti ba ngonyo so ba conseiller wana ntumba chibwabwa ilunga muteba kazadi chilomba ba vandi ma ba croiser ma kolona bango bazali ko sola makamo na bango le directeur ya cabinet adjoint azali Milvorte, il est de Bandundu. A Télémi. Président a Télémi pendant 2, 3, 4 secondes. Jusqu'à ce que le directeur du cabinet a gangé. Président a Télémi, président a Koti, Télémi. Et même Herba gangé que président a Koti, Télémi, Télémi. Ba Télémi, mais bazota la président, bazot continue ma solo na bango, bazota la na entre bango. Dites-moi, Félix est respecté où? Dans sa propre maison, à Ebisa Kabino, Félix, ses enfants ne les respectent pas. Nanda quoi, Félix va respecter. Bana, Félix va respecter Maman Abango. Maman Abango soit abimi fête. Maman Abango soit à côté Nanda, silence. Félix même a Zananda, ou on dit que papa a Zananda. Bana bazo fingana, bana bazo bunda, bana bazo koi sepidoko, bana bazo sale désordre, mais papa a Zananda. C'est vrai. Moutou a yebisanga, moutou ya kati. Et, il dépense Baris à Félix. Makam Félix a Goloba, il dépense na 10e riba osala makamoussous. Na niveau national, Congolais n'a respecté Félix. Na niveau sous-régional, Congo, africaine sous-régional a respecté la Félix. Ba président Bengisa bango ba boyikoya. Na niveau international, Trump avant de ça ah vraiment Trump parce que nzita nyokoli Félix vraiment Félix il faut appeler nzita ambassadeur ya États-Unis na Congo nyokoli Félix a même Félix na États-Unis Trump a boyi na yego yamba Félix nzita salini nzita tambo sa Félix na ba cimetière ya kenota la tombo ya papa na ye mabe a même ya kenota la ba lac na Washington mabe a même ya kenota la ba fleur mabe nzita komi ko calculer bo sikoyo be sika nyoso na ezali esili na mema ye wapi nzita ke ko mema Félix ke ngota la tombo ya ya mwasi ya mwana na ye Félix Perki quel est ce président à monde akeyi na États-Unis bien na pays mususu même si ba yambi été un ambassadeur da pays wana a s'hasarder a mema président ke ngota la basimetier ya bandeko na ye le programme ya président ezali serré timing so que si c'est loco ya costa les locaux soit si c'est loco ça et na biloko na nyoso il y a quelque chose de soupape de sécurité so que par exemple loco est raté président costa la nini costa les locaux so que o est raté costa la o mais Félix na États-Unis nzita tambu si e ba talon nyoso et sili cimetière ya papa ya ambassadeur. Et Zali, qu'est-ce que ça fait dans la vie y a pays, le Congo, président Nabisso, représentant Nabisso, à quel côté il y a Nabisso cimetière, il y a papa, il y a ambassadeur des États-Unis, na Washington, pour l'Ogoni. Bozomona, biyungu. On ne place pas les biyungu na tête yambo. Na ebi sakabino, mokolo ezali boko pesanga raison. Félix Azali na incapacité intellectuelle. Félix Azali handicapé. Ça c'est vrai. On ne colo babon, et tout le babon tenez parce qu'il me représente. Bandeko, boye bake, soki tozo lobela Félix, tozali ko lobela Félix, c'est parce que Félix na tango azala ki na UDPS. Nana biniselanga écrite à ta phrase moko. Mon moko, vidéo moko, audio moko, oyongayi na lobela Félix. Ata moko exacte. Mais si je parle pour la Félix, parce que Félix me représente. Alors, moutou oazo représente nga, il faut naza la fière na ye, que oui, moutou oazo représente nga ya solo. Mais bino bozui ki yungu boutye wana a représente ngayi. Mais ça ne tiendra pas. Les lots où ils trouvent que l'on a Kabila. Oh, Kabila, mon toison a empêché Félix. Kabila a empêché Félix. Ce Kabila a empêché Félix. Mbongo est au bon à la présidence. Kabila, quand mon toison est à Félix, bon, il va bon à la présidence. Ba conseiller n'aille pas à respecter. Kabila, peut mon toison, si ma conseiller n'aille pas bon respecter Félix, c'était. Cimetière, il y a papa qui a dit que nous sommes aux États-Unis. Est-ce que Kabila peut nous dire que Félix est aux États-Unis ou que nous sommes aux États-Unis ou que nous sommes aux ambassadeurs États-Unis aux États-Unis? Kabila est mauvais, mais Félix est plus mauvais que Kabila. Félix Azali est plus mauvais que Kabila. Il y a Félix et Sangani na Kiyungu. Et Sangani. Lelo Kabila koko kende. Toko longo la batu nyo sona ba Kabilis. Ba mende tout le monde. Ba chadari yo Kabila. Lelo, to tchana hypothèse moko ba disparaître. Je vous assure, Félix Akosta lelo ko moko te. Azana capacité wana te. Niveau wana. Azana ngote. C'est un travail qui le dépasse. Ezo dépasse ye. Niveau ya Moussala wana. Niveau ya Moussala wana. Eza na niveau ya Félix te. Akokokate. Pour choisir d'abord ses conseillers, il faut aux alamaye, le pendant choisir ma conseiller. Ngai se ba senga ko choisir ba conseiller. Mais il faut na vanda une semaine na raisonner. Conseiller nini na ko tcha isika nini? Conseiller azali expert. Conseiller azali expert technique. Conseiller azali politicien té. Quand on a un selfie, on a un bâche à président, conseiller Moubimazo, quand on a une photo, il y a moi, c'est président, il y a un joli bit. Moi, c'est président, il y a un joli bit. Voilà, conseiller, hein? Moi, c'est président, il y a un joli bit. Qui yungu, a pour n'a pas de yungu? balobaka adage moko elobaka yebisanga nani okutanaka na ye mpona yebisa yo ozali nani. Kiyungu azalaka na biyungu, kizengi aponaka bizengi. Ezali kofinga te, ezali nde constat, ezali bongo. Voilà, mes chers amis, et donc on a dit que lelo na yaki en réalité po na pesa mbote ba bande ko mingi ba mitungisi pourquoi vie des ali prof aux yo kanate, est-ce que oza ko bela ozali malamu santé zandenge nini, on s'inquiète vraiment. Merci mingi na vu une centaine ya ba message oyo na monique oui lelo to yiko lo bakeno na kufi na ngai. Il y aura des gens au Baluba, à Congo, et cela qui n'a un grand mouyaka quelque part, qui a quand même dit un mot pour Nambo Kanabiso. Oui, Nazali vraiment convaincu que Tozali entre Bissot, Tozali ensemble, Tozali qu'on lutte contre les grands Kiyungu national. Et Kiyungu national, il faut qu'il y consultation, il n'y a abouti na rien, juste pour se partager le pouvoir na Bango. Nous, ça ne nous concerne pas. A que nous consulter les Rwandais Kagame na Rwanda, a que nous consulter Sassou na Braza, a Sala Nyoso, Babem Babaya ko Tchaye Maboko, Bakatumbi ba Tchaye Maboko, parce que Bango Nyoso Bazali clique moko, Katumbi, Bemba, tu sais qui dit, tout le monde. Bazali batou moko. Et Fayoulou, il semblerait que Fayoulou a rejeté l'invitation à notre Idio National, mais Fayoulou est consulté indirectement. Pour ça, la confondre la mise sous la collection d'ambition. Fayoulou a été na Braza. Félix a rencontré Sassou na Braza. Par la suite, Fayoulou en catimini est allé na Braza. Et là, on est basé là qu'ils a la consultation. Au lieu à yébisa Félix directement, à qui voyez bisa Sassou, Sassou a yébisa Félix. Alors, position à Fayoulou, c'est les allées clarté. Bobois qui ça y est. Bobois qui ça y est. Bien que Fayoulou n'est pas na groupe yaba élite, na groupe yaba bourgeois. Fayoulou en réalité c'est quelqu'un qui vient na kati yaba peuple. Ça c'est vrai. Fayoulou azali peuple. Oyo to bengi na populisme peuple. Mais c'est un parmi nous oyo to zomona ye mikolo ba nyamunya moza mwa mingi. A komi ba contact moko indirect parce que ba kongole ba fungoli misu au lieu a kende directement a komi il faut qu'on leka à travers moto mususu. Alors fungola misu makamu na ya nyamu nyamu soki ezali clair te to bois ki sa ye parce que au fait même si azali parmi ba bourgeois te azali parmi ba élite ya boto didacte te azali quand même camarade na bango. Basali ba amitié moi mingi et entre ami na ye na biso bimpoa ka ba peuple le choix est clair. Alors soit to moni ke position a Fayoulou ezali malamonté to bwa ki sa ye. To bwa ki sa ye ba to ba ko ya ba leader ba ko bima nzamba ko tika Kongo te ba leader ba ko bima mais ba leader ya ba bourgeois lokola ba bemba ba leader ba bourgeois lokola ba Katumbi ba leader ba élite lokola ba Tshisekedi. Bazali batu moko, bazali pona mboka na bisote, bazali pona ba intere na bango moko. Il faut ko boati sa bango. Alors yo moto, ozo landangai, Kongolo za ina diaspora, soki ozo ko arrive te, ko sa la discernement, leader azali nani, kondisyon ina ko landa leader. Soki ozali ko komprende yango te, ndeko yo pe ozali ki mpwaka. Merci mingi, pona ko landa biso, merci pona ko kabola la video na biso. Tozongi na ba papier, parce que sili na onte, mais je pense que to banda ko leka semaine prochaine to leka peut-être une fois pour to pesa na mbote to commenter actualité ya mboka na biso. Merci mingi na bande ko mingi même si nazalaki un peu occupé mais na bandai ko mona na musika mwa ba video mwa mingi bande ko basali oyo bazali ko sala éveil éveil patriotique. Félicitations na bango et merci à tout le monde boka de la video et to kutani prochainement. Merci. C'était votre grand Mouyaka, le cuisinier de Félix. Merci et au revoir. Merci.